Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'été 1914, l'été où l'Europe tomba en guerre. Étonnamment au Canada, pour la plupart des Canadiens, l'assassinat de l'archiduc en Bosnie-Herzégovine est presque un fait divers. Même la presse européenne en a pas fait un drame, si on veut, dès le départ. Je pense que, d'une part, les Européens ont pris au moins quelques jours avant de comprendre l'ampleur des événements, et c'était difficile de faire le calcul à savoir si oui ou non ça pouvait déboucher sur un conflit mondial. C'est le 28 juin 1914 que l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné avec son épouse Sophie à Sarajevo. Et comme le signalent les historiens qu'on vient d'entendre, Michel l'Italien et Karl Pépin, personne ne s'inquiète trop des conséquences de cet assassinat au moment où il survient. C'est dans les semaines qui suivent que l'affaire devient préoccupante. L'été 1914 sera celui des intrigues diplomatiques, des erreurs de jugement et du fatal jeu des alliances qui vont conduire l'Europe à la guerre. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Quand la guerre de 14 se déclare, ou à peu près, vous avez 6 ans. 6 ans. Et puis je verrai les deux Hulans arriver à cheval et avec leurs baïonnettes et leurs casques à pointe. C'est quoi ce délinant? C'était des Allemands qu'on avait appelés ainsi. C'était leur régiment, c'était des Hulans. Hulans? Des vous, grands. Vous n'aviez que 6 ans et vous vous souvenez très bien quand ces deux militaires à cheval sont arrivés sur votre ferme. Oui, je les vois comme je vous vois là maintenant. Est-ce que c'était une catastrophe pour une petite fille de 6 ans ou si elle ne réalisait pas du tout ce qui arrivait? On avait peur. Et puis, qu'est-ce qu'ils allaient nous faire? On ne sait pas. À la ferme, qu'est-ce qu'ils ont fait, finalement, ces deux militaires allemands? Ces deux types-là, ils sont passés. Voilà. Il y en a d'autres qui sont passés. Nous sommes venus, le lendemain, il est arrivé 365. Ah, ça, c'est un peu plus inquiétant. Oui. Et là, ils ont tout mangé. Ce qu'on avait fait, on avait cuit, on avait battu le beurre, on avait amené un grand tonneau de bière là, de 100 litres, là. Et puis, ils ont tué un bœuf, et puis... Vous aviez beaucoup de bœufs sur la ferme? Ben, on avait beaucoup de bœufs, beaucoup de vaches, ils ont tué n'importe quoi. Puis, quand ils ont eu mangé, ils sont repartis. Ils sont partis, mais le lendemain matin, ils sont revenus, ils voulaient encore avoir à manger. Ils ont fait ça longtemps? Non, après, ils sont partis, ceux-là, mais après, on a eu les Allemands pendant 5 ans. Pas sur la ferme, dans le village? Dans le village, partout, oui. Partout dans toutes les maisons où il y avait une chambre de libre, il y avait des soldats. Petite tranche de vie décrivant la réalité de cette guerre de 1914-1918 telle que vécue au quotidien par Louise Simon, d'origine belge, qui raconte donc ses souvenirs de guerre à Pierre Paquette à l'émission Le Temps de vivre en janvier 1990. L'historien André Champagne est avec nous pour nous faire revivre cet été 1914 qui va plonger l'Europe dans cette Première Guerre mondiale. André, à quoi ressemble cette Europe au début de l'été 1914? C'est une Europe qui est divisée en deux groupes d'alliances importants. Il y a, d'une part, il y a la Triple Alliance qui regroupe l'Allemagne de Guillaume II, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. C'est une alliance qui s'est constituée au début des années 1880, mais au fil des années, l'Italie s'est un peu détachée parce que l'Italie a des ambitions territoriales sur certaines régions des Balkans que convoite également l'Autriche-Hongrie. Conséquemment, ça crée des tensions entre les deux, tant et si bien qu'en 1914, l'Italie va se déclarer neutre. Et l'autre groupe d'alliances regroupe la France et la Russie. C'est une alliance qui s'est formée dès 1892. Et éventuellement, à l'alliance franco-russe va se joindre l'Angleterre, qui, elle, s'est réconciliée définitivement avec la France lors de la fameuse entente cordiale de 1904, qui n'était pas une alliance, mais qui était une résolution des conflits des différents coloniaux entre Londres et Paris. Et en 1907, l'Angleterre et la Russie vont s'associer. Donc, en 1914, il y a ces deux principaux groupes d'alliances-là qui s'observent et s'analysent. Et ça va être déterminant pour la suite des choses. Et ça va se précipiter à un moment donné au fil des jours et des semaines. La bougie d'allumage, et puis ce ne sera pas le cas tout de suite, on l'entendait là au tout début de l'émission, mais c'est cet attentat contre l'archiduc François Ferdinand qui survient le 28 juin 1914. Comment ça se passe? Décrivez-nous ce qui se produit à Sarajevo. Alors, nous sommes à Sarajevo, donc vous l'avez dit, le 28 juin, et il y a des jeunes nationalistes bosniaques d'origine serbe qui veulent absolument assassiner l'hérédit du trône Autriche-Hongrie pour justement pour accentuer les tensions entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie qui agissent non pas sous l'autorité du gouvernement serbe mais sous l'autorité d'un général qui dirige les services de renseignement serbes et qui lui cherche à arriver au pouvoir. Mais ce qu'on sait, c'est que les Balkans sont une poudrière depuis les années 1870-1880. D'ailleurs, on a assisté aux fameuses guerres balkaniques en 1912-1913. Et c'est clair que la Serbie, elle, cherche à faire éclater l'Autriche-Hongrie en agitant les différentes minorités nationales qu'on retrouve à l'intérieur de l'Autriche-Hongrie. Et l'assassinat survient dans ce contexte-là. Et ce qui est étonnant de cet assassinat-là, c'est que le prince héritier, François Ferdinand, était plutôt sympathique à une redéfinition du pouvoir. Pour lui, le vieil empire austro-hongrois, le vieil empire des Habsbourg, devait absolument se réformer pour tenir compte des aspirations nationales de certaines de ces minorités-là. Et en l'assassinant, quelque part, on fait une erreur parce que il allait succéder éventuellement à son grand-oncle et puis il aurait pu effectivement réformer. C'est Gavrilo Princip qui... Gavrilo Princip, oui, un nationaliste, un jeune nationaliste, il a 19 ans, un jeune nationaliste bosniaque, un peu exalté, qui était de petite taille, qui avait été refusé dans l'armée serbe, et pour démontrer qu'il était un homme, pour démontrer sa virilité, c'est une des raisons qui l'a poussé à commettre cet attentat-là. Et puis, il avait quatre compagnons d'armes qui avaient été, eux, entraînés par les services de renseignement militaires serbes qui leur avaient fourni le passage vers Sarajevo et qui leur avaient fourni également les armes. Ce geste qu'il va poser, cet assassinat donc de François Ferdinand, ce sera le point de départ de cette Première Guerre mondiale. Et ce qui est étonnant, enfin ce qui est intéressant en tout cas de signaler, c'est qu'il est aujourd'hui encore, et il le sera de fait tout de suite après son geste, tout de suite après son assassinat, Gavrilo Princip, c'est une sorte de héros en Bosnie-Herzégovine. Je vous propose là-dessus un extrait d'un reportage de Frédéric Nikolov en 2014. À mon avis, ce fut un acte terroriste, dit ce Bosniaque de Sarajevo. C'était un meurtre, uniquement un meurtre. Mais pour d'autres, Gavrilo Princip est un héros, comme ici, dans son village natal, où les ruines de sa maison familiale sont toujours visibles. Cette maison a déjà été un musée, dit le président de la municipalité. Des étudiants et des gens qui admiraient ce qu'il avait fait venaient la visiter. Miljkan Princip est l'arrière-petit-neveu de Gavrilo. Il vit toujours dans le même village et se dit fier de porter son nom. Plus à l'est, à Visegrad, dans la République serbe de Bosnie, on s'apprête à inaugurer une fresque à la gloire de l'assassin de l'archiduc, une initiative supportée par le cinéaste Emir Kusturica. Nous pensons que Gavrilo Princip est un révolutionnaire, dit-il, qui a voulu libérer les Slaves du Sud du joug de l'occupant austro-hongrois. On l'évoque un peu, André Champagne, mais pourquoi aujourd'hui encore en Bosnie-Herzégovine et puis dès après cet assassinat, il sera tout de suite considéré dans son pays comme un héros, Gavrilo Princip. Pourquoi? Parce qu'en 1908, l'Autriche-Hongrie avait annexé la Bosnie-Herzégovine. Et à cette époque-là, la Serbie voulait créer un grand royaume slave chrétien qui deviendra éventuellement la Yougoslavie. Ouais. Et donc l'annexion de 1908, évidemment, compliquait considérablement ce projet-là. Et c'est clair que l'Autriche-Hongrie avait des ambitions expansionnistes dans la région, de la même manière que la Russie également avait des ambitions expansionnistes. Mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est un nationalisme exacerbé. Oui. Et les nationalistes serbes vouent une haine, mais vraiment véritable, à l'endroit du vieil empire austro-hongrois. Il va réagir comment, ce vieil empire austro-hongrois et l'empereur, en fait, à cet assassinat de l'archiduc en juin 1914? Pour le vieil empereur François Joseph, c'est inacceptable. C'est un casus belli. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit contre la Serbie, il a absolument besoin de l'appui de l'Allemagne. Alors, le 5 juillet, son ministre des Affaires étrangères, Hoyos, se rend à Berlin et il rencontre Guillaume II qui lui dit tout simplement « Vous ne pouvez pas ne pas réagir, vous devez réagir, vous devez régler vos comptes avec la Serbie ». et nous allons vous appuyer inconditionnellement dans cette politique-là. Ce que Guillaume II n'a pas prévu à ce moment-là, Guillaume II n'a pas prévu que l'appui inconditionnel de l'Allemagne à l'Autriche-Hongrie risquait d'entraîner une intervention russe. Mais on dit que le chèque en blanc que Guillaume II accorde à François-Joseph le 5 juillet 1905 enclenche le processus. C'est déterminant, tout à fait. Nous serons avec vous, a dit l'Allemagne à l'Autriche-Hongrie. Quoi qu'il arrive. Ce qui fait que le 23 juillet, effectivement, l'Autriche-Hongrie, d'abord, c'est pas tout de suite une déclaration de guerre, mais c'en est presque une, sert un ultimatum à la Serbie, mais complètement inacceptable. Dont la dernière clause est inacceptable, parce que la dernière clause prévoit que des enquêteurs autrichiens pourraient mener l'enquête en Serbie. Sur l'assassinat. Oui, sur l'assassinat, sur les complices possibles de Princip et de ses acolytes. Donc, intrusion. Donc, c'est carrément. Une intrusion, c'est une violation de la souveraineté, de la souveraineté serbe. Et ça, c'est de tous les points de l'ultimatum, c'est le seul qui est rejeté. Et cette condition-là avait été rédigée justement pour faire en sorte que la Serbie rejette l'ultimatum. Parce qu'on savait très bien que la Serbie craignait la guerre, que la Serbie était prête à se plier aux autres clauses de l'ultimatum, mais cette dernière clause avait été justement spécifiquement rédigée pour se garantir un rejet. Puis en fait, la Serbie la refuse pas complètement. La réponse, elle est... C'est-à-dire que c'est le seul élément. C'est cette enquête-là, ça, ils n'acceptent pas. D'accord. Parce qu'il y a la situation. Parce que sinon, c'est une réponse très, très conciliante. Tout à fait conciliante. Serbie. Tellement conciliante que quand Guillaume II, à Berlin, apprend que la Serbie a accepté toutes les autres conditions, pour Guillaume II, l'affaire est réglée. La guerre n'est plus nécessaire. Ouais. Alors, il va essayer à ce moment-là de revenir en arrière et de dire que non, l'appui que je t'ai donné le 5 juillet, on ne vous l'accorde plus. Ouais. Là. Et il va. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les militaires autrichiens, de même que les militaires allemands, vont exercer des pressions sur leur gouvernement pour justement permettre l'entrée en guerre. Ouais. Et l'autre facteur, puis vous l'avez évoqué, l'Allemagne sous-estime quand, dans un premier temps, elle dit « nous serons derrière vous, Autriche-Hongrie », sous-estime l'engagement des Russes. Et même si, donc, ça a l'air de se régler avec la réponse très, très conciliante des Serbes, parallèlement, à peu près au même moment, le 24 juillet, la Russie mobilise ses troupes et dit « nous serons avec la Serbie ». Oui, parce que suite à l'ultimatum, Nicolas II fait savoir à François-Joseph, si vous entrez en guerre contre la Serbie, la Russie défendra la Serbie au nom de la solidarité des peuples chrétiens slaves. Et à partir du moment où Nicolas II menace d'intervenir en faveur de la Serbie, Nicolas II enclenche le système des alliances. Pourquoi? Parce que l'alliance franco-russe de 1892 prévoyait que, advenant une agression allemande contre la France, la Russie allait intervenir en faveur de la France. Advenant une agression allemande contre la Russie, la France interviendrait contre l'Allemagne. Et pour les Allemands, le problème était le suivant, c'est que l'Allemagne se sentait encerclée entre la France et la Russie. La Russie était une puissance émergente. Les stratèges allemands voyaient avec une très grande inquiétude le réarmement russe postérieur à la défaite contre le Japon en 1905. On voyait la Russie comme un géant démographique également. Et on était parfaitement conscient à Berlin que l'Empire austro-hongrois, c'était un empire moribond, c'était un empire qui risquait d'éclater. Et si l'Empire austro-hongrois éclatait suite au mouvement des nationalités exacerbé par la Serbie, l'Allemagne se retrouverait seule, encerclée par la France et la Russie. Donc, pour les militaires allemands, c'était urgent d'en découdre avec la France et la Russie avant que le programme de réarmement russe ne soit complété. Donc, ça va donner pour résultat que le 28 juillet, l'empereur François-Joseph va finalement déclarer la guerre à la Serbie. Et là, ça va enclencher tout le reste avec la décision le 1er août de l'Allemagne de déclarer la guerre à la Russie. Ouais. Et ça, c'est fondamental parce qu'au fond, si on ne s'en était tenu qu'à un affrontement entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, déclaration de guerre le 28 juillet... C'est une simple guerre régionale. Voilà. C'est L'Allemagne, le 1er août, exactement. Change la donne. Mais l'Allemagne change la donne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne craint justement l'encerclement. Donc, le 30 juillet, mobilisation générale en Russie. Le samedi 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie à 19h. Le lundi 3 août, l'Allemagne envahit la Belgique et déclare la guerre à la France. Et là, ça devient intéressant parce que là, vraiment, les événements se précipitent. Ça va très, très vite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Le plan de guerre allemand, qu'on appelait le plan Schlieffen, qui avait été élaboré au début du siècle, prévoyait une campagne de 6 semaines contre la France. Et une fois que la France aurait été écrasée, l'armée allemande se serait redéplacée contre la Russie pour faire une guerre contre la Russie. Le problème du plan allemand, qu'on appelait le plan Schlieffen, prévoyait le passage des troupes allemandes à travers la Belgique. Mmh. La Belgique est un pays neutre depuis 1831. Le problème, c'est que la neutralité belge était garantie par la Grande-Bretagne. Et en 1914, les Allemands n'ont pas pensé que la Grande-Bretagne respecterait son engagement contracté en 1830-31 à l'endroit de la Belgique. Conséquemment, l'armée allemande s'est engagée en Belgique, la Belgique a décidé de résister, et suite à ça, l'Angleterre, Londres a envoyé un ultimatum à Berlin le 2 août, lui disant « si dans 48 heures vous n'avez pas arrêté votre offensive, nous allons vous déclarer la guerre ». Et à ce moment-là, Guillaume II a demandé à son chancelier, le chancelier Bethmann-Hollweg, pensez-vous que l'Angleterre va respecter ce traité-là? Et Bethmann-Hollweg a eu une réplique qui est passée à l'histoire. Mon cher Kaiser, ce document est un chiffon de papier. Mm-hmm. Conséquemment, Nicolas II a laissé ses troupes. Et le 4 août 1914, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et là, c'est vraiment l'effet domino. 4 août, Grande-Bretagne, déclaration de guerre à l'Allemagne. 6 août, Autriche-Hongrie. Déclaration de guerre à la Russie, et ça continue comme ça. Continue comme ça. 11 août, France. Exactement. La France qui déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et le 1er novembre, la France, la Grande-Bretagne et la Russie qui déclarent la guerre à l'Empire turc. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est la question des responsabilités. Pourquoi la question des responsabilités? C'est que le traité de Versailles a reconnu l'Allemagne responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui a entraîné des paiements de réparations extrêmement élevés, d'un montant de 133 milliards de marques or. Mais depuis le traité de Versailles, les historiens allemands se sont acharnés à démontrer que les responsabilités étaient partagées. Mmh. Et c'est un débat qui fait court entre les historiens et qui a donné lieu à un déluge de publications en 2013-2014 pour le centenaire du déclenchement de la guerre. Mais quand on regarde la situation, c'est clair que, vous l'avez dit tantôt, normalement, on aurait dû voir un conflit régional limité aux Balkans, entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Mais à partir du moment où Nicolas II s'engage à défendre la Serbie, il enclenche le système des alliances. C'était une guerre évitable. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary. Avec le recul, André Champagne, vraiment, cette guerre-là, on s'en rend bien compte, vous l'avez évoqué un peu, mais si on essayait de résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses, les erreurs, c'est une succession d'erreurs de jugement. Exactement. D'abord l'Allemagne, commençons par l'Allemagne, les erreurs que commet l'Allemagne. Bien, les erreurs que commet l'Allemagne, dans un premier temps, c'est le chèque en blanc du 5 juillet, accordé à l'Autriche-Hongrie pour régler son différend avec la Serbie. En sous-estimant la volonté russe de défendre la Serbie. Volonté qui est présente depuis des années. Ouais. Depuis des années. Première erreur. Deuxième erreur, Nicolas II, qui s'engage à défendre la Serbie, advenant une agression austro-hongroise. Alors qu'il n'avait pas besoin de ça du tout. Aucunement, d'autant plus que son armée n'était pas prête. Oui. Autre erreur, et ça c'est une erreur que les historiens allemands vont reprocher aux Britanniques. A posteriori, les historiens allemands et même le gouvernement allemand, Bethmann-Hollweg, reprochera aux Britanniques, vous auriez dû nous prévenir que vous alliez défendre la neutralité belge. Vous auriez dû nous le faire savoir. Il y aura même un échange, il y aura même Guillaume II qui va interpeller son cousin, le roi, si Georges VI, je me souviens bien, en lui disant, étant donné qu'on était tous liés, qu'on avait des liens familiaux, t'aurais dû me le faire savoir. Alors que le roi n'avait plus aucun pouvoir. Vienne 1914. La capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie est décrite par Stefan Zweig. Partout s'ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Partout on allait de l'avant. Qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan? Une merveilleuse insouciance avait gagné le monde. Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. Extrait de la série Apocalypse de Daniel Costel et Isabelle Clark, Mathieu Kassovitz à la narration qui évoque l'auteur Stéphane Zweig et son ouvrage Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. André Champagne, ça nous permet, en terminant cette émission, de revenir là-dessus, de revenir sur ce que Stéphane Zweig écrit dans ce livre. C'est, et sur ce que change la guerre de 14-18, c'est une charnière, c'est la fin d'un monde, c'est le début d'un nouvel ordre mondial, c'est la fin de l'Empire austro-hongrois, mais la fin des empires. Mais c'est la fin des empires, c'est la fin des monarchies, c'est la fin de l'Empire austro-hongrois, c'est la fin de l'Empire des Romanov, c'est la fin de l'Empire allemand, c'est la fin de l'Empire ottoman, c'est l'émergence de la Russie bolchevique, c'est l'émergence des États-Unis également, et en 1919, la grande crainte en Europe, c'est la révolution russe, c'est le communisme, c'est le socialisme. On a changé complètement. On peut dire... Tout bascule. Mais il y a un des éléments également dont on doit tenir compte, c'est la peur qu'avaient les élites européennes face au mouvement ouvrier. Parce que la fin du 19e siècle, c'est la révolution industrielle, c'est l'urbanisation. C'est la première fois dans l'histoire où il y avait autant de pauvreté qui côtoyait autant de richesses. Et il y avait des tensions dans les grandes capitales européennes, dans les grandes villes européennes, et ces tensions-là, vraiment, créaient une certaine crainte, voire même une certaine panique auprès de ces vieilles élites aristocratiques et de ces nouvelles élites bourgeoises-là. Et on se disait qu'il fallait faire quelque chose pour contenir la pression ouvrière. Donc, effectivement, l'Europe, oui, c'était l'Europe de Stéphane Zweig pour les privilégiés, pour les aristocrates, pour les grands bourgeois. Cette insouciance, oui. Mais pour l'immense majorité des Européens, que ce soit les paysans, que ce soit les travailleurs d'usines, c'était une époque de grande misère et il y avait une volonté de se partager un peu plus la richesse. Donc, c'est une Europe qui vivait sur un baril de poudre. Et ce qui est arrivé en 1914, quelque part, ça devait arriver. Mm-hmm. Et ça l'a bouleversé. Et 14-18 va conditionner toute la suite du siècle. C'est une des grandes charnières de l'histoire. Tout à fait. André Champagne, historien, ami de l'émission, merci beaucoup, toujours un plaisir. Ben, je vous en prie. Merci André. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.